En français, l'infinitif du verbe s'exprime dans la terminaison qui varie en fonction des verbes. Pour manger, la terminaison du verbe est er. Parler, er. Partir, ir. Savoir, oir. Comprendre, re. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mm-mm. Oui. Ces terminaisons s'expriment donc en un mot, l'infinitif. En anglais, il y a deux mots pour exprimer l'infinitif. On emploie to. Par exemple, savoir se dit to know, to know. To sert à exprimer l'infinitif. Le mot to s'écrit T-O. Ça se prononce de la même façon que too late, trop. Mais dans too late, too s'écrit comment? T-O-O. Ben oui, bravo! T-O-O. Alors, savoir. Savoir, le verbe. To know. Mais je sais. I know. I know. Parler, to speak. To speak. To speak. To speak. Speak s'écrit S-P-E-A-K. Speak. Speak. Alors, dites-moi, parler à l'infinitif. To speak. To speak. Mais je parle. I speak. I speak. On supprime tout. I speak. Avez-vous? Do you have? Do you have? Do you have? Have. To have, c'est avoir. To have. Have s'écrit... H-A-V-E. H-A-V-E. To have. To have. J'ai... I... Have. I have. Encore une fois, once more. Avoir. To have. To have. Once more. To have. To have. To have. Yes, good. To have. Once more. To have. J'ai. I have. I have. Avez-vous. Do you have. Do you have? Parler. To speak. To speak. Je parle. I speak. Mais parlez-vous? Do you speak? Do you speak? Pour poser une question en anglais, on emploie donc do you. Do you? En français, on dit est-ce que? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous avez? Do you? Once more, avoir à l'infinitif. To have. To have. Mais la question, avez-vous? Do you have? Do you have? J'ai? I have. I have. Essayons avec parler maintenant. To speak? To speak. Je parle? I speak. I speak. Et la question, parlez-vous? Est-ce que vous parlez? Parlez-vous? Do you speak? Do you speak? Do you speak? Parlez-vous français? Do you speak French? French. Do you speak French? Do you speak French? Do you speak French? Parlez-vous italien? Do you speak italien? Do you speak Italian? Once more. Parler? To speak. To speak. Je parle? I speak. I speak. Parlez-vous? Est-ce que vous parlez? Do you speak? Do you speak? Savoir? To know. To know. Know, ça s'écrit comment? K-N-O-W. K-N-O-W. Je sais? I know. I know. Savez-vous? Est-ce que vous savez? Do you know? Do you know? Do you know? Savez-vous où c'est? Do you know where is? Do you know where is? It is? Yes. Do you know where it is? Do you know where is veut dire savez-vous où est. Is signifie est. Mm. Où est, where is, mais où c'est, where it is. Mm. Où est le téléphone? Where it is? No. Oh. Where is? Oh, where is the telephone? Yes, where is the telephone? Where is the telephone? Mais je veux savoir. I want. Yes, je veux savoir. I want. Oh, to know. I want to know. Où c'est? Where it is. Right, I want to know where it is. Alors, savoir? To know. To know. Je sais? I know. I know. Savez-vous? Est-ce que vous savez? Do you know? Yes, do you know? Savez-vous où c'est? Do you know where it is? Right. Do you know where it is? Pour introduire une question en anglais, on emploie donc « do you ». Comment dit-on « parler » ? To speak. To speak. Mm-hmm. Parlez-vous ? Est-ce que vous parlez ? Do you speak. Do you speak. Savoir ? To know. To know. Savez-vous ? Do you know. Do you know. Avoir. To have. To have. Avez-vous? Do you have. Do you have. Comprendre. Understand. To understand. To understand s'écrit UNDERSTAND. To understand. Comprendre. Comprenez-vous? Do you understand? Once more. Do you understand? Right. Do you understand? Ah oui. Do you understand? Voir. Ça se dit to see. To see. See s'écrit S-E-E. To see. Voir. Comment dit-on voyez-vous? La question. Do you see? Do you see? Je comprends. I understand. I understand. I understand. Comprenez-vous la question? Do you understand? Do you understand? Encore une fois, once more. Pour poser une question en anglais, on emploie do you avec le verbe sans le to. To understand, comprendre. Comprendre, to understand. Comprenez-vous? Do you understand?